لنا فيما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بهذه الحروف. الحديث numéro 37. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc des propos venant de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Allah a inscrit les bonnes œuvres comme les mauvaises, puis il les a exposées de la façon suivante. Quiconque se propose d'accomplir une bonne œuvre et ne l'effectue pas, Allah la lui inscrit auprès de lui comme étant une bonne œuvre accomplie. S'il se propose de la faire et l'accomplit, Allah la lui inscrit de 17 à 700 fois sa valeur, et même plus encore. Par contre, s'il songe à accomplir une mauvaise chose et ne la fait pas, Allah la lui inscrit auprès de lui comme action bonne et accomplie. Enfin, s'il songe à accomplir et l'effectue, Allah la lui inscrit comme étant une seule mauvaise action. Un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leurs 2 sahihs textuellement. بدأنا الأسبوع الماضي في شرح هذا الحديث القدسي ووصلنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده 1 حسنة كاملة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده 1 حسنة كاملة. فالله سبحانه وتعالى من فضله العظيم أنه يثيب من هم ونوى بفعل سيئة وخطيئة ثم ترك ذلك، ولكن بشرط أن يكون هذا الترك لله جل وعلا. لا بد أن يكون هذا الترك لله جل وعلا. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول الله سبحانه وتعالى إنما فإنه تركه من جراء يعني من أجله. فمن ترك يعني السيئة لغير الله سبحانه وتعالى لم يثب هذا الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا. فهذا هو الشرط الأول. بمعنى لو أن شخص ترك السيئة وتركه ليس لله سبحانه وتعالى، مثلا ترك السيئة نسيانا مثلا وذهولا، فإن ذلك لا يثاب. مثلا هم بسيئة ثم نسيها، فهذا لا يثاب ولا يجازى على تركه. وكذلك من ترك السيئة عاجزا عنها، عاجزا عنها. أعطيكم مثالا، شخص هم بشرب الخمور عياذا بالله، فأخذ مالا وخرج من بيته وانطلق إلى محل بيع الخمور فوجده مغلقا فما استطاع أن يشرب. طيب هل هذا يثاب؟ بل هذا عليه وزر، وسنذكر الأدلة. فمن سعى في فعل السيئة ثم عجز عنها فإنه يعني عليه وزر كأنه فعل ذلك. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. فقال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ معناه فهمنا سبب دخول القاتل في النار، فكيف يكون كذلك المقتول في النار؟ ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل أخي إنه كان حريصا على قتل أخي معنى لو أن القاتل لم يقتله لقتله هذا المقتول فمن سعى في فعل السيئة وترك ذلك عجزا عنها فإنه يكتب عليه وزر والذي يثاب كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا والذي ترك السيئة لله وهو قادر على فعلها والذي يعني منعه والذي حال بينه وبين فعل السيئة هي خشية الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشهير في الثلاثة الذين يعني نعم الذين دخلوا غارا فانحدرت صخرة حتى يعني أطبقت عليهم فم الغار فقالوا لا ينجينا مما نحن فيه إلا رب العالمين فعزموا على أن يدعو الله سبحانه وتعالى كل واحد منهم بصالح أعمال فكان أحدهما بارا بوالده وكان يقدمهما في كل شيء حتى على أولاده وعياله وكان يسقيهم لبنا في الليل وتأخر يوما من الأيام فلما دخل بيته وجدهما نائمين ووجد أهله وعياله يصرخون بالجوع ومع ذلك جلس عند رأس والدي حتى استيقظ فسقهما فقال إن عملت ذلك لوجهك يا الله ففرج عنا ما نحن فيه تحركت الصخرة وكان آخر صاحب عمل فاستأجر أجيرا على شيء بسيط من الأرز فذهب الأجير ولم يأخذ أجرته فهذا صاحب العمل يعني كأنه استثمر مال الأجير حتى اشترى له يعني أغنام فلما رجع يعني الأجير قال له أين مالي فقال يعني خذ هذا إنه لك كله فقال أتستهزئ بي إنما تركت شيئا يسيرا فقال إن استثمرت مالك فقال يعني المؤجر إن فعلت ذلك لوجهك يا الله ففرج عنا ما نحن فيه فتحركت الصخرة الذي يهمنا هو المثال الثالث كان رجل يقول كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي فراودتها عن نفسها فأبت حتى أصابتهم سنة من السنين يعني الجوع فجاءت إلي وطلبت منه 120 دينارا حتى تمكنه من نفسها فأعطاها المبلغ فلما خلى بها وجلس بين رجليها قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فتركها وترك لها المال فقال إن فعلت ذلك لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه ففرج الله عنهم فتحركت الصخرة فتمكنوا من الخروج هذا الثالث ترك فعل الفاحشة لله سبحانه وتعالى لما ذكرته ابنة عمه فهذا أثيب على تركه المعصية Donc, on était arrivé à la phrase où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, selon Allah subhanahu wa ta'ala, donc le hadith est un hadith divin, hadith Qudsi, Il nous dit, celui qui songe à accomplir une mauvaise chose et ne la fait pas, Allah la lui inscrit auprès de lui comme une action bonne et accomplie. Donc on avait déjà expliqué donc la récompense de la personne lorsqu'elle a l'intention de faire une bonne œuvre et qu'elle l'accomplit, et si elle a l'intention de faire une bonne œuvre et qu'elle ne l'accomplit pas, la personne elle est récompensée. Ça c'est le troisième cas. Si la personne a l'intention de faire une mauvaise action, un péché parmi les péchés, et que ensuite donc elle ne l'accomplit pas, Allah subhanahu wa ta'ala la lui inscrit auprès de lui comme action bonne et accomplie. Donc il y a trois cas où la personne elle est récompensée. Ça montre la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa générosité, le fait qu'il nous récompense lorsqu'on accomplit une bonne œuvre, et il nous récompense lorsqu'on a l'intention de faire une bonne œuvre et qu'on ne la fait pas, et il nous récompense également lorsqu'on a l'intention de faire une mauvaise action et qu'on ne la fait pas. Et comme on a dit, donc il faut quand même certaines conditions. Ce n'est pas toute personne qui a l'intention de faire une mauvaise action et qui ne la fait pas est récompensée. Admettons la personne, elle a l'intention de faire une mauvaise action, mais qu'elle ne la fait pas par oubli. Cette personne-là n'est pas récompensée. Elle n'est pas récompensée. Également, si la personne a l'intention de faire une mauvaise action, mais qu'elle la délaisse par incapacité. Je vais donner comme exemple une personne qui aurait l'intention d'aller consommer de l'alcool, par exemple. Elle aurait tout préparé. Elle prend de l'argent avec elle pour aller acheter de l'alcool. La personne sort de chez elle et lorsqu'elle arrive devant le magasin qui vend l'alcool, elle le trouve fermé, par exemple. Donc il est dans l'incapacité de boire. Cette personne-là n'est pas récompensée. Plus encore, le péché lui est inscrit entièrement. Pourquoi ? Parce qu'il a fait l'effort d'accomplir ce péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Inna Allah tajawaza an ummati ma hadathat laha anfusuha ma lam ta'amel ou tatakallam. » Hada amil. Le prophète il dit Allah subhanahu wa ta'ala ne tiendra pas grief à ma communauté sur ce que son âme l'incite à faire, à part si elle œuvre ou bien elle parle. Et la personne donc, qui s'est rendue, qui a fait tous les efforts pour accomplir ce péché, elle a mis en action, donc elle a fait des actions pour accomplir ce péché. Et plus qui prouve cela également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفِهِمَا فَالْقَاتِلُوا وَالْمَقْتُولُوا فِي النَّارِ » Lorsque deux musulmans se rencontrent avec leur sabre pour se combattre, le meurtrier et celui et la victime, ils sont tous les deux en enfer. Les compagnons ont alors dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam هذا القاتل فما بال المقتول, c'est-à-dire nous comprenons pourquoi le meurtrier est en enfer, mais pourquoi également la victime, celui qui a été tué, est également en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit إنه كان حريصا على قتل صاحبه, car également lui aussi il avait l'intention de tuer son adversaire. C'est-à-dire que si le premier ne l'avait pas tué, ça aurait été lui qui l'aurait tué. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que ce sont tous les deux en enfer. Donc si la personne elle a l'intention de faire un péché, mais que la chose qui l'en empêche est l'incapacité, elle n'est pas récompensée. Au contraire, il lui sera inscrit donc une mauvaise action. À titre d'exemple, donc la personne qui délaisserait un péché pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc sûrement vous avez lu le hadith des trois personnes sur qui la pluie, une grande pluie est tombée, et ils ont cherché refuge dans une grotte. Et lorsqu'ils ont cherché refuge dans la grotte, il y a alors un rocher qui est tombé et qui a fermé l'issue de la grotte. Et donc ils se sont dit, personne ne peut nous sauver de cette situation à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont donc décidé, chacun d'eux, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par une œuvre qu'ils ont fait avec sincérité, avec ikhlas, pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc le premier a alors dit qu'il était donc bon avec ses parents et qu'il ne faisait passer personne avant ses deux parents. au point même que le soir, il revenait avec donc du lait et qu'il ne donnait ce lait à personne avant ses parents. Donc lorsque ses parents avaient bu, à ce moment-là, il donnait à sa famille, à ses enfants et à sa femme. Un soir, il est rentré tard et ses parents étaient en train de dormir. Et ses enfants étaient en train de pleurer de faim. Et malgré cela, il n'a pas voulu réveiller ses parents et il est resté à côté d'eux alors qu'ils dormaient jusqu'à ce qu'ils se réveillent le lendemain matin. C'est à ce moment-là qu'il leur a donné le lait à boire. Il dit ensuite, « Oh Allah, si j'ai fait cela pour toi, seul, libère-nous de la situation dans laquelle nous sommes. » C'est alors que le rocher s'est un peu déplacé, mais il ne pouvait pas encore sortir. Un second était une personne donc qui avait des employés. Un jour, il y a un employé qui a travaillé pour lui pour une petite quantité de riz. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé donc ce salaire et il l'a développé. Il l'a fait fructifier. Il l'a fait fructifier pendant une longue durée jusqu'à que ce petit salaire devienne beaucoup d'animaux. Il avait acheté pour lui des vaches. Lorsque cette même personne est revenue pour prendre son petit salaire, il lui a alors dit, voilà, toutes les vaches que tu vois, elles sont pour toi. L'homme a alors dit, est-ce que tu te moques de moi? Moi, quand je suis parti, j'avais laissé qu'un petit salaire. Il lui a dit, non, j'ai fait fructifier ton salaire jusqu'à ce qu'il devienne ce que tu vois, prends tout cela. L'homme dans la grotte dit ensuite, oh Allah, si j'ai fait cela pour toi seul, libère-nous de la situation dans laquelle nous sommes. C'est alors que le rocher s'est un peu déplacé. Ce qui nous intéresse, c'est le troisième cas. Le troisième cas, il y avait un homme qui avait une cousine. Et un jour, il la séduit et il voulait donc commettre la fornication avec elle, ayadan billah, et elle a refusé. Jusqu'à ce qu'un jour, ils soient tous atteints donc d'une disette. Donc, une faim, majeure. Jusqu'à ce que donc, elle soit dans le besoin et qu'elle aille le voir en lui disant, j'accepte donc, mais à condition que tu me donnes 120 dinars, donc de l'or. Lorsqu'il s'est mis donc dans la position pour accomplir ce grand péché, elle lui a alors dit, ittaqillah wa la tafuddal khatama illa bihaqqi. C'est-à-dire, crains Allah subhanahu wa ta'ala et c'est-à-dire, ne fais pas cela. C'est-à-dire, si tu dois être amené à faire ce péché, fais-le dans ton droit. C'est-à-dire, par le mariage. C'est alors qu'il a laissé sa cousine, il lui a même laissé la somme qu'il lui avait donnée. Bref, il a craint Allah subhanahu wa ta'ala et il a délaissé ce péché. L'homme dit ensuite donc, oh Allah, si j'ai fait cela pour toi, libère-nous donc de la situation dans laquelle nous sommes. C'est alors que le rocher s'est encore déplacé un peu plus et ils ont pu alors sortir. Donc cette personne, la troisième personne, il a délaissé ce péché pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est celui-là qui est cité dans le hadith. La personne qui délaisse un péché pour Allah, c'est elle qui est récompensée d'une bonne action. C'est-à-dire, par contre, s'il songe à accomplir une mauvaise action et la délaisse, Allah subhanahu wa ta'ala lui inscrit cela auprès de lui comme une bonne action. الحالة الرابعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه وإن هم بسيئة فلم أو إن هم بها فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة. هذه الحالة الرابعة. هم بسيئة فعملها. هم بشرب الخمر فشربها. هم بالسرقة فسرق. إلى آخر ذلك. يقول وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة كما قال الله سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى لهذا الحديث عند صحيح مسلم ولا يهلك على الله إلا هالك. إن كانت الحسنات تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، الذي يأتي يوم القيامة بسيئات أكبر من حسناته فقد فرط في هذه الحياة الدنيا وطغى واهتدى فهو هالك. فالحسنة تكتب بعشر أمثالها، ومع ذلك من الناس من يأتي يوم القيامة وسيئاته أكبر من حسناته. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يهلك على الله يومئذ إلا هالك، يعني شخص فرط في هذه الحياة الدنيا وارتكب جميع أنواع المعاصي. فمن هم بسيئة فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة، ولكن قد تعظم السيئة ببعض الاعتبارات باعتبار الزمان وباعتبار المكان وباعتبار العامل وبهذه الاعتبارات العامل والمكان والزمان. بالنسبة للمكان مثل ماذا؟ مثل مكة، من عصى الله سبحانه وتعالى في مكة ليس كمن عصى الله في غيرها من الأماكن. فمكة لها خصائص خاصة بها، ولهذا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يتقي السكنة في مكة. مثل من؟ عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان في مكة ثم انتقل إلى الطائف حتى توفي فيها رضي الله عنه، كل ذلك اتقاء للسكنة في مكة، لأنهم كانوا يعرفون رضي الله عنهم أن السيئة في مكة ليست كسيئة في غيرها من الأماكن. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأن أعمل 70 خطيئة في غير مكة أحب إلي من أن أعمل خطيئة واحدة في مكة، إلى هذا الحد. ولهذا عجبا من بعض الناس الذين يسافرون إلى مكة لأداء مناسك الحج ثم يعصون الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع المعاصي في مكة. ومن خصائص مكة كذلك أن الإنسان تكتب عليه وزر بمجرد نيته بالإفساد في مكة، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إن كنت في خير ونويت الإفساد في مكة وبقيت هنا فإنك تكتب عليك وزر، هذه من خصائص مكة، بخلاف لو نويت الشر في مكان آخر فالسيئة لا تكتب عليك، في مكة تكتب عليك. هذه من خصائص مكة لقول الله تبارك وتعالى ومن يريد فيه بإلحاد بظلم يريد، يعني مجرد الإرادة، يذيقه من عذاب أليم. وكذلك باعتبار الزمان مثل ماذا؟ الأشهر الحرم، كما قال الله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ظلم النفس بالمعاصي والذنوب منهي عنه في جميع الأزمنة، ولكن هو أشد في الأشهر الحرم التي هي رجب ذو القعدة ذو الحجة ومحرم وكذلك باعتبار العامل فإن كان الإنسان ذو معرفة بالله وذو علم وأصدقاؤه كلهم صالحون فإن ارتكب سيئة فإنها لا تكتب له كغيره من العاملين دليل ذلك قال الله تبارك وتعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير لأن النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم هن أقرب الناس إليه يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويشهدن ما ينزل عليه من الوحي ويسكن معه صلى الله عليه وسلم فمن ارتكب فاحشة منهن يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم بالنسبة للعامل كذلك إذا قلت الدواعي يعني شخص يعيش في مكان محافظ ويعصي الله سبحانه وتعالى ليس كمن يعصي الله في مكان أن الناس كلهم يعصون الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم يقول عائل مستكبر شنو معنى عائل فقير فقير مستكبر وكذلك ملك كذاب طيب أنت ملك لماذا تكذب وأشيمط زاني يعني رجل كبير وهو زاني طيب الزنا عند يعني كبار السن ليس كالزنا في حق الشباب ولهذا استحقوا هذا العذاب لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم Donc la quatrième catégorie de personnes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Enfin, s'il songe à effectuer donc cette mauvaise action et l'effectue, Allah la lui inscrit comme étant une seule mauvaise action. » Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il récompense les gens dans les trois premiers cas. Si la personne a l'intention de faire une bonne action et qu'elle l'accomplit, si elle a l'intention de faire une bonne action et qu'elle ne l'accomplit pas, et également si elle a l'intention de faire une mauvaise action et qu'elle ne l'accomplit pas. Le quatrième cas, c'est la personne qui songe à accomplir donc une mauvaise action et en plus de ça, elle l'effectue. Allah la lui inscrit comme étant une seule mauvaise action. Donc ça prouve également la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il veut qu'il y ait un maximum de personnes qui rentrent au paradis du fait que les bonnes actions sont récompensées par 10 jusqu'à 700 degrés et même plus encore. Donc, contrairement à une mauvaise action, elle n'est inscrite que comme une mauvaise. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Celui qui vient yawm al-qiyama avec une bonne action, il aura comme récompense 10 fois cette bonne action. Man ja'a bi sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Et celui qui vient avec une mauvaise action, il ne sera récompensé ou bien puni que par cette seule même action. Donc elle ne sera pas multipliée. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit également وَلَا يَهْلِكُ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا هَلِكُ Celui qui arrivera يَوْمَ الْقِيَامَةِ à sa perdition, c'est vraiment une personne qui allait à sa perdition ici-bas, dans le sens que vu que les bonnes actions sont multipliées par 10, jusqu'à 700, jusqu'à plus encore, et que la mauvaise action n'est qu'inscrite que comme une mauvaise action, ceux qui, yawm al-qiyama, viendront avec plus de mauvaises actions que de bonnes, ce sera une preuve qu'ils auront vraiment transgressé ici-bas et commis toutes sortes de péchés. Du fait du calcul des bonnes actions et des mauvaises. Mais malgré cela, donc, les mauvaises actions, donc une mauvaise action accomplie, peut quand même prendre de l'ampleur par rapport donc à certains critères ou à certains critères. Par exemple, le critère du temps. À certaines périodes, les péchés sont plus graves qu'à d'autres. Également, l'endroit. À certains endroits, les péchés sont plus graves qu'à d'autres. Et également, la personne elle-même qui accomplit ce péché. Pour certaines personnes, le péché sera plus grave que pour d'autres. En ce qui concerne donc l'endroit, il y a par exemple la Mecque. Un péché accompli à la Mecque n'est pas comme un péché accompli ailleurs. C'est pour ça que vous trouverez que certains compagnons, radiallahu anhum, essayaient de ne pas habiter à la Mecque. Pourtant, ils savaient la valeur d'une prière à la mosquée Masjid al-Haram, mais malgré cela, par peur de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala à la Mecque, certains d'eux préféraient sortir de la Mecque, comme Abdullah ibn Abbas qui est parti habiter à Taif, et Abdullah ibn Amr ibn al-As également qui est sorti de la Mecque. Omar ibn Khattab, il dit: je préfère faire 70 péchés en dehors de la Mecque que un seul à la Mecque. Ça pour nous montrer donc la gravité du péché accompli à la Mecque. Donc c'est pour ça que le musulman qui se rend pour accomplir le pèlerinage, malheureusement, on voit plein de musulmans qui n'ont aucun problème à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala à la Mecque. Non, il faut que le musulman il craigne Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il essaye d'être le plus pieux possible là-bas, car les péchés sont plus grands qu'ailleurs. Également, en ce qui concerne la période, et nous avons ce qu'on appelle les mois sacrés, qui sont Rajab, Dhul Qi'da, Dhul Hijja et Muharram. Allah nous dit dans le Coran: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن يعني في الأشهر الحرم أنفسكم. Allah dit que les nombres de mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sont au nombre de 12, le jour où il a créé les cieux et la terre, et parmi ces 12 il y a 4 mois sacrés. Il ne faut pas que vous fassiez du tort à vous-même pendant ces mois-là par des péchés. Donc les péchés c'est interdit à toute période, mais c'est encore plus grave pendant ces 4 mois qui sont donc Rajab, Dhul Qi'da, Dhul Hijja et Muharram. Également, en ce qui concerne l'auteur du péché, si la personne qui accomplit ce péché a des connaissances religieuses, connaît le Coran par exemple, à une famille noble, de savants par exemple. Et puis, s'il accomplit un péché, est-ce que ce sera la même récompense qu'une personne qui ne connaît rien à la religion? Toute sa famille sont des pécheurs. Non, ce ne sera pas le même péché. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Al-Ahzab, en parlant des femmes du prophète: Ya Nisa al-Nabi, man ya'ti minkun nabi fahishatin, yudha'af laha al-azabu dha'fayn. Aux femmes du prophète, si quiconque d'entre vous vient avec une turpitude évidente, son péché sera multiplié de 2 fois. Pourquoi? Parce que c'est les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles vivent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles assistent à la descente du Coran sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles sont avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les moments les plus intimes. Si en plus de cela elles accomplissent une turpitude, Allah subhanahu wa ta'ala, il donc les punira par une punition doublée, car donc elles ont une connaissance religieuse qui n'est pas chez d'autres musulmans. Également, si la personne commet un péché et que les tentations à accomplir ce péché ne sont pas fortes. Par exemple, la personne accomplit un péché sur lequel elle n'a aucune tentation. La punition sera plus grande. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a trois personnes, Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah, il ne leur parlera pas, ne les regardera pas, et ils auront un châtiment douloureux. Ces trois personnes sont qui ? A'ilun mustakbir, un pauvre orgueilleux. Normalement, en général, c'est les riches qui sont orgueilleux. Non, lui, il est pauvre et en plus de cela, il est orgueilleux. Donc la tentation à être orgueilleux lorsqu'on est pauvre, elle est faible. Le deuxième personne, c'est un roi qui est un grand menteur. La personne, elle est la personne qui est roi, pourquoi elle ment ? Alors que tous les gens sont à son service. Comme les présidents maintenant. Hein ? Comme les présidents maintenant. C'est-à-dire quand on est le roi, qu'on est à la tête d'un empire ou d'un royaume, on n'a aucun intérêt à mentir. On dit la vérité et les gens acceptent. Donc il fait également partie de ces gens-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam termine en disant « Ushay mitun zani » c'est-à-dire un vieillard fornicateur. Une personne qui est âgée et en plus de là, elle commet la fornication. Alors que le péché de la fornication, pour les gens âgés, la tentation est plus faible que pour un jeune. Mais donc à la base, comme on a dit donc le hadith, celui qui a comme intention d'accomplir une mauvaise action et qu'elle l'accomplit, Allah subhanahu wa ta'ala la l'inscrit comme étant une seule mauvaise action. الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. نعم استسخار احتقار المعصية ولا احتقار المعصية يعني المسلم si on fait au كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يعني حذر من يعني احتقار المعاصي الانسان عليه وكذلك يقول عبد الله بن مسعود كما في البخاري ان المؤمن يرى ذنوبه يرى ذنبه كانه جبل يكاد يقع عليه وان الفاجر يرى ذنبه كانه ذباب كانه ذباب على انفه فقال بيده هكذا يعني حتى ذهب فالمسلم يعني يعني ذنب صغير زائد ذنب صغير يعني يصير ذنوبا كثيرا. Donc le frère demandait au fait de minimiser les péchés. Il ne faut pas que le musulman il minimise les péchés, car des petits péchés ajoutés à d'autres, ça devient des grands. Comme le dit le sha'ir, la tahqiranna dhunub inna al jabal min al asa min al hasa min al jabal min al hasa. C'est-à-dire la montagne, elle n'est faite que de petits cailloux. C'est-à-dire, si tu viens avec des petits péchés, plein de petits péchés, Yawm al-Qiyamah, tu viendras avec une montagne de péchés. Et Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il disait que le croyant, il voit ses péchés comme si c'était une montagne qui allait lui tomber dessus. Et le pervers, il voit ses péchés comme si c'était une mouche sur son nez. Et il fait comme ça avec sa main et il s'en va. Il les oublie. Donc il ne faut pas que le musulman minimise les péchés. Donc le hadith numéro 38, Abu Huraira radiallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, celui qui fait montre, ou bien qui montre de l'hostilité envers un de mes wali, donc de mes rapprochés, je lui déclare la guerre. Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par quelque chose de plus agréable à mes yeux que l'accomplissement de ce que je lui ai prescrit Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres surérogatoires au point que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis son ouïe par laquelle il entend, son regard par lequel il voit, sa main par laquelle il saisit et son pied avec lequel il marche. S'il me demande, assurément, je l'exaucerai. Et s'il cherche près de moi asile, assurément, je lui donnerai. Le hadith est rapporté par un musulman. راوي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه مر معنا أكثر من مرة هو عبد الرحمن بن سخر الدوسي راوية الإسلام يعني لم يروي أحد من الصحابة مثل ما روى هذا الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى قال هذا الحديث يسمى كسابقه بالحديث القدسي أو القدسي يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فإن الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث يتوعد من ينصب العداوة لولي من أوليائه ومن فعل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يؤذنه بالحرب يعني يعلمه أنه محارب له أن الله سبحانه وتعالى محارب له لما كان هذا الشخص محاربا لولي من أولياء الله سبحانه وتعالى ومن يستطيع أن يحارب الله سبحانه وتعالى وهذا يدلنا على وجوب موالاة أولياء الله ويدلنا كذلك على تحريم معاداة أولياء الله سبحانه وتعالى والولي هو كل مؤمن تقي كل مؤمن تقي هو ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة فالولي هو كل مؤمن تقي من كان يمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا ويجتنب نواهيه فإنه ولي والأولياء أكثر مما نظن أنا في فهمنا نحن في المغرب الشمال إفريقيا الولي عندنا هو الشخص الذي يعني بني على قبره ضريح وهذا قد يكون وليا وقد لا يكون قد يكون وليا وقد لا يكون فالولي هو كل مؤمن تقي سواء كان حيا أو ميتا فمن كان يمتثل أوامر الله ويجتنب نواهيه فإنه ولي من أولياء الله فمن عاد أن آذى هذا الولي فإن الله سبحانه وتعالى يأذنه بالحرب وفي المقابل فإن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بمعاداة أعدائه وبعدم موالاة بعدم موالتهم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء فلا ينبغي للمؤمن أن يوالي أعداء الله سبحانه وتعالى وقال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون فالمؤمن عليه أن يوالي الله سبحانه وتعالى ويوالي رسوله والمؤمنين ولا يوالي من نصب العداوة لدين الله وللمسلمين Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce hadith qu'on appelle donc hadith Qudsi, hadith divin. On avait expliqué la différence qu'il y avait entre le hadith divin et le Coran à plusieurs reprises. Allah il dit celui qui montre de l'hostilité envers un de mes wali, je lui déclare la guerre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce hadith, il nous met en garde contre le fait d'avoir de l'hostilité et de la haine contre ce qu'on appelle un wali, qu'on pourrait traduire en français par un rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui éprouve de la haine ou bien cause du tort à cette personne, al-wali, Allah il nous dit je lui déclare la guerre. Donc Allah lui déclare la guerre, et comme vous le savez, personne n'est à la hauteur de combattre contre Allah subhanahu wa ta'ala. Avant cela, al-wali, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné donc la définition du wali dans surat Yunus. Il nous dit ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. C'est-à-dire les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'auront aucune peur et aucune crainte. Allatheena amanu wa kanu yattaqun, ceux qui ont cru et ont fait preuve donc de piété. Donc tout croyant qui fait preuve de piété, c'est un wali. Donc la piété, on avait expliqué cela à plusieurs reprises dans des hadiths, comme par exemple ittaqillaha haythu ma kunt, c'est le fait donc d'appliquer les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de délaisser ses interdits. Donc toute personne, tout croyant qui accomplit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de faire et délaisse ce qu'Allah lui a interdit de faire, c'est un wali. Il fait partie donc des gens rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne faut pas penser le wali comme on a dans le Maghreb. Le wali, c'est celui sur la tombe. En général, le wali, c'est tout le temps une personne morte. Non. Le wali peut être vivant. Du fait que c'est une personne qui est vivante, qui croit et qui fait preuve de piété. Donc elle peut être vivante comme morte. Les gens en général, ils ont pour habitude d'appeler wali ce qu'on appelle sadat. Les gens sur lesquels on a construit sur leur tombe des mausolées. Déjà cela est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit qu'on construise sur les tombes. Il dit la'ana Allahu al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens car ils ont pris les tombes de leur prophètes comme des lieux de prosternation. Donc la tombe du musulman, elle doit être à ras le sol. Donc le wali, donc comme on a dit, c'est la définition qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée dans surat Yunus, celui qui possède donc la foi et la piété, il rentre dans ce qu'on appelle al-wilaya. Donc celui qui cause du tort à cette personne ou bien éprouve de la haine pour lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui déclare la guerre. Donc, nous avons quatre cas ici. Il est interdit d'avoir de la haine pour les gens pieux. Donc, à l'inverse, il nous est obligé d'aimer les gens pieux. Et à l'inverse, il est demandé donc aux musulmans de ne pas prendre les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala comme alliés et de ne pas les aimer. Allah subhanahu wa ta'ala dit ya ayyuhallatheena amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Ô les croyants, ne prenez pas mon ennemi et le vôtre comme alliés. Et dans un autre verset, il nous informe de qui sont ces alliés. Il nous dit innama waliyukum Allah wa rasuluhu wallatheena amanu. Vos alliés sont Allah, son prophète et les croyants. Alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'un. Ceux qui font la prière et donnent la zakat et qui s'inclinent pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yatawalla Allah wa rasuluhu alladhina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Et celui qui prend comme allié Allah, son prophète et les croyants, le groupe d'Allah subhanahu wa ta'ala seront les vainqueurs. وَمَا قرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الآن الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث يبين لنا كيف ينال المؤمن درجة الولاية بأداء الفرائض وبأداء شيء من النوافل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الله سبحانه وتعالى يحب يخبرنا عن شيء هو أحب الأشياء إليه، وهو أن يأتي وأن يؤدي المؤمن الفرائض. هذا أحب إلى الله سبحانه وتعالى من أي شيء، وهذا يدلنا على إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، كما تجدون في كثير من الآيات: الله يحب المتقين، الله يحب المتطهرين، الله يحب فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالله سبحانه وتعالى يحب، وهي صفة تليق بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. مما افترضته عليه كالصلاة والزكاة والصيام والحج، يعني جميع الفرائض. ولهذا إذا حصل تزاحم بين فعل واجب وفعل يعني تطوع، على المؤمن أن يختار الواجب والفرض. يعني من الناس مع الأسف من يعني يغويه الشيطان فيشتغل بالنوافل ويترك الفرائض. تجد كثير من الناس في شهر رمضان ينكب ويجتهد في التراويح، وقد لا يصلي صلوات الخمس في المسجد، وهذا غبا وغباء كذلك. فالمؤمن دائما أن يقدم الفرائض على النوافل. من الناس من يملك مالا يكفيه لأداء الحج، فيذهب في شهر رمضان إلى العمرة ثم لا يستطيع الذهاب في الحج. كذلك الحج آكد من العمرة. فدائما إذا حصل تزاحم بين واجب وبين تطوع، المؤمن اللبيب والذكي يقدم الواجب، يقدم الواجب لأنه أحب إلى الله سبحانه وتعالى. ويدخل كذلك في أداء الفرائض اجتناب المحرمات. فمن أتى بالفرائض واجتنب المحرمات فهو المعني بهذا الحديث، ويسمى بمن؟ ماذا يسمى الذي أتى بالفرائض وترك المحرمات فقط؟ المقتصد. هو المقتصد هم أصحاب اليمين، هم أصحاب اليمين. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالمقتصد أصحاب اليمين هم الذين أتوا بالواجبات واجتنبوا المحرمات، أما السابق بالخيرات هو الذي أتى بالواجبات والمستحبات وترك المحرمات وترك المكروهات، فهم المقربون. ولهذا تجدون أن الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن المقربين في سورة الواقعة قال: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ولما تكلم عن أصحاب اليمين قال: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. لأن زمرة أصحاب اليمين أوسع من زمرة المقربين، مفهوم؟ مجموعة أصحاب اليمين أوسع أكبر من مجموعة المقربين، ولا لا؟ Donc Allah subhanahu wa ta'ala, on va finir par cela, il dit mon serviteur ne se rapproche pas de moi par quelque chose de plus agréable que l'accomplissement de ce que je lui ai prescrit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, après nous avoir mis en garde contre le fait de montrer de l'hostilité et de la haine pour un de ses walis, un de ses rapprochés, il nous montre comment la personne devient, obtient donc ce degré de wali. Il nous dit, mon serviteur ne se rapproche pas de moi, car donc le wali wa al-muqarrab, al-wilaya, c'est-à-dire le fait de se rapprocher. Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par quelque chose de plus agréable que l'accomplissement de ce que je lui ai prescrit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il aime que ses serviteurs accomplissent les obligations religieuses, comme par exemple les 5 prières, comme la zakat, le jeûne du mois de Ramadan, également le pèlerinage, bref, toutes les obligations, les choses obligatoires en islam, c'est-à-dire les choses dont on obtient une récompense en l'accomplissant et on mérite une punition si on la délaisse. C'est ce qu'on appelle dans le fiqh al-wajib. Également le fait de délaisser les interdictions. Donc la personne qui fait cela, il faut qu'il sache que c'est une chose, la chose la plus appréciée d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est important de savoir cela, car parfois la personne, il arrive qu'il y ait conflit entre une chose surérogatoire et une chose obligatoire. Par exemple, je n'ai pas le temps, je ne peux qu'en choisir une des deux. Il faut que je choisisse la chose obligatoire, car c'est plus apprécié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, si la personne rentre à la mosquée, c'est pour cela que lorsque la personne rentre à la mosquée et qu'elle trouve les gens en train de faire Zohor ou bien l'Asr ou bien le Maghrib ou bien l'Aisha ou bien Sobh, il n'y a plus de temps pour faire de Nawafil. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans une chose plus appréciée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète, il dit Ida uqimati salatu fala salata illa al-maktuba. Lorsqu'il y a eu l'Iqama, il n'y a plus de prière à part la prière obligatoire. Et également, on trouve des gens qui possèdent une somme d'argent. Cette somme d'argent leur suffit pour aller au pèlerinage. Et ils préfèrent, par exemple, aller en Umrah. L'Umrah aussi, elle est importante, mais elle n'est pas aussi importante que le pèlerinage. Le pèlerinage, c'est le 5e pilier de l'islam. Donc, dans ces cas-là, on met en avant le pèlerinage. Également, pendant la... Hein? Non, ça c'est... Là, il n'y a aucun problème à ce moment-là. Non, c'est une personne, c'est par exemple, il y a vraiment conflit. Voilà, elle peut... c'est soit l'un, soit l'autre. Et également, lorsque... c'est pour ça que les personnes, également, il faut que, lorsqu'ils possèdent un peu d'énergie, autant le mettre dans une chose obligatoire. Il y a des gens qui mettent toute leur énergie pendant le Ramadan dans le Taraweh. Alors que les prières qui sont le Tohor, l'Asr, le Maghrib, qui sont les prières obligatoires, autant mettre son énergie là-dedans. Car c'est les choses plus appréciées d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne dit pas ça pour diminuer des choses surrogatoires, donc là on va en parler, mais c'est pour montrer que les choses obligatoires sont plus importantes et plus appréciées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihada wa sallallahu ala nabiyyina wa qudwatina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. C'est quoi tu me dis